L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Ce qu'on appelle le problème du lithium est une des grandes questions de l'astrophysique d'aujourd'hui. Nous savons qu'une partie de cet élément chimique léger, de numéro atomique égal à 3, a été produite dans l'univers très jeune, lors de la nucléosynthèse primordiale. Mais la comparaison des modèles d'évolution chimique et des abondances stellaires en lithium observées dans notre galaxie ne colle pas. Elles indiquent qu'une partie du lithium aurait dû être synthétisée dans les vieilles étoiles de faible masse de type géante rouge, ainsi que dans des petites explosions d'étoiles qu'on appelle des novae. Or, nous avons déjà pu observer la présence de lithium dans des géantes rouges, mais encore jamais dans des novae. Mais c'est désormais chose faite, car pour la première fois, une équipe japonaise annonce avoir observé indirectement la présence de lithium, du lithium 7, au sein d'une nova, la fameuse nova appelée Nova Delphini 2013, ou V339 Del. Tajitsu et al. Détaillent dans un article venant de paraître dans Nature leur observation de beryllium radioactif, du beryllium 7, qui se désintègre assez vite en lithium 7. Le lithium a une origine complexe, il en a en fait trois. Par nucléosynthèse primordiale dans les premières minutes qui ont suivi le Big Bang, par des réactions nucléaires dans le milieu interstellaire produites par des rayons cosmiques énergétiques qui sont aussi à l'origine du beryllium et du bore, et enfin par des réactions nucléaires au sein des étoiles. À l'intérieur des étoiles, le beryllium 7 est formé par la fusion nucléaire de noyaux d'hélium 3 et d'hélium 4. Cet élément radioactif capture ensuite un électron et se transforme en lithium 7 en émettant un neutrino et un photon gamma de 478 keV. Sa période de demi-vie est courte, environ 53 jours. Mais une production efficace de lithium 7 par ce processus nécessite que cette réaction nucléaire se déroule dans les couches stellaires externes chaudes, et que le beryllium 7 fraîchement produit soit ensuite transporté dans des couches plus froides avant qu'il ne se transforme en lithium 7. De cette manière, le lithium 7 peut survivre plus longtemps. Ce processus est appelé le mécanisme de transport du beryllium 7 de Cameron Fowler. C'est cet unique mécanisme décrit il y a plus de 40 ans qui est responsable de la production de lithium dans les étoiles. Les novae sont des explosions thermonucléaires qui apparaissent à la surface d'étoiles naines blanches qui ont arraché un peu trop de gaz, de l'hydrogène, à une étoile compagne. L'accumulation de masse sur une naine blanche produit une instabilité nucléaire puis une violente explosion. On estime qu'au cours de ce type d'explosion, le mécanisme de Cameron Fowler apparaît également, devant produire du lithium 7. La quantité de lithium 7 attendue au cours d'une nova dépend en fait de la nature chimique de la naine blanche. Elle se divise en deux grandes familles. Les naines blanches à carbone et oxygène, qui produisent des novae CO, et les naines blanches à oxygène et néon, qui sont à l'origine de novae ONE. C'est dans les novae CO que la production de beryllium 7 et de lithium 7 est la plus importante théoriquement. Car les réactions de fusion du cycle CNO y évoluent plus vite, ce qui a pour effet de détruire moins d'hélium 3 et de beryllium 7. L'ordre de grandeur de la masse de lithium 7 produite par une telle nova avoisine 1/10 milliardième de la masse du Soleil. La nova étudiée par l'équipe de Tajitsu, Nova Delphini 2013, est justement une nova de type CO. Ils l'ont observé entre 38 et 52 jours après l'explosion, à la recherche de raies de lumière ultraviolette correspondant à du beryllium 7 ionisé, avec le télescope Subaru de l'Observatoire Astronomique National du Japon. Les chercheurs montrent pour la première fois qu'il y a dans Nova Delphini 2013 au moins autant de beryllium 7, et donc de lithium 7, que ce qui est prédit par la théorie et le mécanisme de transport de Cameron Fowler. Ainsi, on peut conclure à partir de cette observation que les novae peuvent effectivement jouer un rôle important dans la production de lithium. Et par ailleurs, il va sans doute devenir possible grâce aux novae de détecter enfin directement l'émission radioactive accompagnant la production du lithium 7, les photons gamma de 478 keV, qui n'ont encore jamais pu être mis en évidence malgré des recherches poussées avec les télescopes spécialisés en orbite. Quoi qu'il en soit, les chercheurs japonais montrent que la méthode de détection des raies UV du béryllium-7 ionisé est une méthode très puissante pour estimer la contribution des novae dans l'abondance galactique du lithium-7. Une très belle avancée qui éclaircit un problème qui n'en sera bientôt plus un. A très bientôt sur Ça se passe là-haut. Et restez les yeux au ciel et les pieds sur terre. www.ça-se-passe-là-haut.fr